إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, et avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc on commence à partir de la page 100 aujourd'hui. On est arrivé au commentaire au point numéro 47. Où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah continue d'énumérer différentes caractéristiques de ceux qu'on appelle al-maghdoub alayhim, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier al-yahoud. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah explique que certaines des caractéristiques des yahoud sont présentes dans cette umma parmi certains ulama ou certains hommes de science, et donc il donne des exemples à ce sujet-là. Il dit: وَتَارَةً يَكُونُ قَدْ خَالَفَ غَيْرَهُ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ اعْتَزَى إِلَى طَائِفَةٍ قَدْ خُولِفَتْ فِي مَسْأَلَةٍ فَيَكْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ مَا فِيهِ حُجَّةً لِمُخَالِفِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّ مُخَالِفَهُ مُبْطِلٌ. وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, parfois il a contredit quelqu'un d'autre. C'est possible que l'une de ces personnes contredit quelqu'un d'autre dans une question quelconque, ou bien qu'il s'apparente à un groupe qui a été contredit dans une question. Alors il cache une partie de la science qui est une preuve contre lui, ou qui est une preuve en faveur de ses opposants ou de son opposant, mais alors qu'il n'est pas vraiment convaincu que son opposant est dans l'erreur. Et c'est pour ça que Abdurrahman ibn Mahdi et d'autres également ont dit parmi les salafs que les hommes de science écrivent ce qui est en leur faveur et ce qui est contre eux, tandis que les hommes de passion, les gens qui suivent la passion, ils n'écrivent que ce qui est en leur faveur. Et il dit, Cheikh al-Fawzan explique ce passage-là en disant que ça c'est la quatrième caractéristique des juifs. Il dit at-tashabbuh bil yahoud bil intisar li madhhabihi wa madhhab man yuqalliduhu, c'est-à-dire de ressembler aux juifs dans le fait de défendre sa position ou la position de celui qu'il suit aveuglément. Il dit قَوْلُهُ وَتَارَةً يَكُونُ قَدْ خَالَفَ غَيْرَهُ فِي مَسْأَلَةٍ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةٌ صِفَةٌ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا خَالَفَ غَيْرَهُ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ انْضَمَّ إِلَى فِئَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ خُلِفُوا فِي مَسْأَلَةٍ فيكتم العلم فيكتم العلم مع علمه بصحة ما عليه خصمه وما ذاك إلا لهوى أو مصلحة فيقدم الدنيا على الدين. Donc Cheikh al-Islam il dit, il se peut que parfois quelqu'un contredise quelqu'un d'autre dans une question. Cette personne contredit quelqu'un dans une question. C'est-à-dire que ça, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques de ceux qui ressemblent aux juifs parmi les hommes de science lorsqu'ils sont, lorsqu'ils contredisent quelqu'un d'autre dans une question quelconque, ou bien qu'il appartient à un groupe, hein, il fait partie d'un groupe ou il s'apparente à un groupe parmi les gens qui ont été contredits dans une question, alors il cache la science, alors qu'il sait que son opposant, c'est lui qui est correct, c'est lui qui a raison. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est uniquement à cause d'une passion qu'il suit, ou bien à cause d'un intérêt quelconque qu'il a. Et donc, il fait passer la dunya au devant de la religion. Ensuite, Cheikh al-Islam, il dit, « وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَأَهْلُ الْأَهْوَى لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ وليس الغرض تفصيل ما يجب ويستحب بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب لما ينفعه الله به. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc après avoir mentionné l'athar de Abd al-Rahman Ibn Mahdi et d'autres également qui ont dit que les hommes de science, ils écrivent ce qui est en leur faveur et ce qui est contre eux, tandis que les gens de la passion, ils écrivent uniquement ce qui est en leur faveur. Eh bien, il dit le but, ce n'est pas de détailler dans toutes ces questions qui sont par rapport à qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est recommandé, mais plutôt le but, c'est juste d'indiquer, il y a certains éléments qui réunissent des points sur ces questions-là pour que la personne intelligente puisse comprendre d'elle-même et donc Allah subhanahu wa ta'ala va le faire profiter de ces points-là. Donc il n'a pas ramené tous les exemples, tous les cas, mais il donne certains points de base pour que les gens puissent comprendre et réfléchir. Après, donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique un autre exemple de ça. Il dit, parmi les exemples de ressemblance avec les Juifs, il dit, التشبه باليهود في إثار أهوائهم ومصالحهم على قبول الحق. C'est-à-dire de ressembler aux Juifs dans le fait de préférer, de donner préférence à nos passions et à nos intérêts sur le fait d'accepter la vérité. Donc ça, c'est quelque chose de très grave et c'est une caractéristique des Juifs. Il dit le Cheikh, هذا وهذا واقع وما أكثر أهل الأهواء الذين لا يوضحون للناس إلا ما يتوافق مع مصالحهم وأهوائهم ولكن الله سلم منها أهل العلم الناصحين الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال فيهم كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهؤلاء يكسبون ويقبلون ما لهم وما عليهم لأنهم يعلمون أن الله قد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه حتى وإن خالف مصالحهم وأهواءهم ومذاهبهم. Donc le Cheikh il dit, et ça c'est la réalité, c'est une réalité, et comme ils sont nombreux, les gens de la passion qui ne clarifient pas pour les gens autre chose que ceux qui gagnent, comme ils sont nombreux, les gens de la passion qui ne clarifient pour les gens que ceux qui et en accord avec leurs intérêts et leurs passions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, a épargné de cette caractéristique les hommes de science sincères, ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est uniquement ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs qui sont les ulama, les vrais. Et il dit, donc ça c'est dans Sourate Fatir, le verset 28, et dans le verset 11, Sourate Al-Mujadala, le Cheikh, il cite donc ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru d'entre vous, de même que ceux qui ont reçu de la science en degré. Il dit, donc ceux-là, ils écrivent et ils acceptent ce qui est pour eux, c'est-à-dire ce qui est en leur faveur, et ce qui est contre eux. Et ils savent, la raison pour laquelle ils écrivent tout, ce qui est pour eux et contre eux, c'est parce qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala a pris d'eux un pacte et une entente. Et il a pris des hommes de science un pacte et une entente qu'ils allaient expliquer et clarifier la vérité et qu'ils n'allaient pas cacher quoi que ce soit de cette vérité-là, même si cela est en contradiction avec leurs intérêts, leurs passions ou leur position ou leur voix. Ça, c'est un point très important. Après, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يقول الشيخ ليس الغرض من تصنيف هذا الكتاب أن نحيط بكل المسائل التي تندرج تحت العموميات التي ذكرناها وإنما المراد بيان النموذج فقط التي تدل على المقصود وتحصل بها الفائدة وأما الإحصاء والشمول فهذا له مواضع وكتب أخرى. نعم. Donc le cheikh il explique que le cheikh lorsqu'il dit le but par ce livre n'est pas d'envelopper tout ce qui a été dit de ces questions là et de ramener toutes les questions au sujet des généralités qui s'appliquent à ce qu'on a mentionné. Mais plutôt, le but c'est de donner des modèles et des exemples seulement qui nous indiquent le but de ce qu'on est en train d'expliquer et par lequel on obtient un profit ou un bienfait quelconque dans le fait lorsqu'on le comprend. Mais de ramener tout et de parler de tout de façon globale et générale, il dit ça c'est quelque chose qui est expliqué ailleurs et qui doit être clarifié dans d'autres contextes ou dans d'autres endroits. Naam, donc ça c'est ça c'est ce qui a été dit par rapport à ce point-là. Maintenant, le cheikh il va mentionner donc le point numéro 49 avec une autre caractéristique. Naam. Donc, on va lire la suite encore une fois. Le Cheikh il dit: وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العالم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم أو إلى رئيس فعظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم. Donc ça c'est, comme je disais, la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il explique les caractéristiques, une des caractéristiques de ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, du fait qu'ils sont fanatiques et qu'il s'attache fanatiquement à une position et qu'il rejette la vérité qui vient en contradiction avec yani, la position de leur cheikh ou la position de leur groupe ou la position de leur yani, imam ou peu importe yani, de quelle position il s'agit. Donc le cheikh il cite des versets dans Sourate Al-Baqara et il dit que lorsque on leur dit « Croyez en ce qui a été révélé par Allah », ils disent « Nous croyons en ce qui a été révélé sur nous » et ils refusent de croire en ce qui vient après, ce qui est venu après. Et alors que c'est la vérité qui confirme ce qu'ils ont avec eux. Hein? Donc ça c'est la caractéristique des Juifs. Ils ne croient que ce qu'ils ont reçu eux. Hein, et ce qui a été révélé après, il le rejette. Ça, c'était le verset 91 dans Sourate Al-Baqara. Mais avant ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 89, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. C'est-à-dire qu'auparavant, il disait qu'ils allaient avoir la victoire sur les mécréants. Yani. Et lorsque leur est venu ce qu'ils ont connu, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ont reconnu, eh bien, ils ont refusé d'y croire, ils l'ont rejeté. Alors que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui renient la foi. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les juifs comme étant des gens qui ont reconnu la vérité avant, et qu'ils connaissaient la vérité avant qu'elle leur soit venue, hein, avant que celui qui leur est parvenu pour leur dire cette vérité, il la reconnaissait et il l'acceptait. Mais une fois que la personne qui venait avec la vérité vient et les invite à accepter la vérité, eh bien, il le renie. Hein? Puisqu'il voit que la personne qui vient avec la vérité ne fait pas partie de leur groupe ou du groupe qu'eux désirent. Hein? Donc, il refuse de s'y soumettre. Et il n'accepte pas la vérité, excepté lorsqu'elle vient de la part de quelqu'un qui appartient à leur groupe, à eux. Alors que il dit alors que ils ne suivent pas ce qui est obligatoire pour eux de suivre selon leur propre croyance. Et il dit qu'il y a plusieurs d'entre les gens qui appartiennent à un groupe spécifique dans le monde ou dans la religion, hein, par exemple parmi les apprentis au fiqh ou parmi les apprentis soufis qui prétendent suivre un cheikh ou qui prétendent suivre celui qu'ils respectent parmi les gens de la religion autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien lorsque leur vient quelque chose qui a rapport avec la religion, soit dans le fiqh ou soit une narration dans la religion, eh bien, ils refusent de l'accepter, excepté si ça vient de leur groupe à eux. Donc ça, c'est une attitude de fanatisme. Et c'est quelque chose qui fait que quelqu'un, devient borné et refuse la vérité, excepté si ça vient de lui ou de son groupe. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça comme étant la sixième caractéristique que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionnée au sujet des Mardoub alayhim, c'est-à-dire au sujet des juifs qui acceptent, c'est-à-dire qui refusent d'accepter la vérité et qui s'attachent fanatiquement à une position ou à un cheikh ou à un groupe de personnes et qui n'acceptent pas la vérité qui contredit ce qu'ils suivent eux. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit « قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي إذا قيل لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا يكفينا الإيمان بما أنزل الله علينا من التوراة والإنجيل ولا نقبل غيره وهو الحق مصدقا لما معهم نعم أي هو وهم يعلمون أن ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يوافق ما عندهم من العلم ولكنه كتم العلم والحمق والحسد الذي ملأ القلوب فهم أي اليهود رغم العلم الذي عندهم شابه الجهال من أهل الأوثان في التعصب لباطلهم فاستحقوا الغضب واللعنة. Donc le Cheikh il dit dans le verset 91 dans Surat al-Baqarah, et lorsqu'on leur a dit croyez en ce qui a été révélé par Allah, c'est-à-dire lorsqu'on a dit aux Juifs et à ceux qui leur ressemblent parmi les gens du livre, croyez en ce qui a été révélé, yani, croyez en ce qui a été révélé sur ce prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et croyez en lui et suivez-le. Ils disent, ce que nous avons, hein, la foi en ce que Allah nous a révélé, nous suffit. Hein, la foi en la Torah et en l'Injil, ça nous suffit, et on ne suit pas d'autre chose que ça. Alors que c'est la vérité qui confirme ce qu'ils ont avec eux. C'est-à-dire, ils savent, hein, ça confirme ce qu'ils ont avec eux, ça confirme ce que Allah leur a révélé. Hein. Ils savent que ce que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Et c'est en accord avec ce qu'ils ont dans leurs livres et ce qu'ils ont comme science. Mais ils cachent la science. Hein. Donc c'est le fait de cacher la science. Et c'est de la stupidité et de la jalousie qui a rempli leur cœur. Et donc, les Juifs, à cause de ça, malgré la science qu'ils ont, ils ressemblent aux ignorants parmi les gens de l'idolâtrie, parmi les gens qui adorent les idoles, qui s'accrochent fanatiquement à leur fausseté. Et donc, à cause de ça, ils ont mérité la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la malédiction. وَقَدْ كَذَبُوا فِي الدِّعَائِهِمْ حَيْثُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الذي أنزل عليهم يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فدل على أنهم لم يؤمنوا حتى بالذي أنزل عليهم لأن الواجب أن يقبلوا الحق أينما كان فالقرآن يصدق الكتاب أو فالقرآن يصدق الكتب التي معهم ويوافقها فكيف يكذبونه قال سبحانه وهو الحق مصدقا لما معهم. Donc le Cheikh il dit نعم, il dit ils ont menti dans leur prétention lorsqu'ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, dans le verset 91, dans Surat al-Baqarah. Puisque, s'ils avaient vraiment cru en ce qui a été révélé sur eux, ils auraient cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il leur a révélé de leur livre, il a annoncé la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre. Il dit, dans le verset 157, dans Surat al-A'raf, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qu'ils trouvent mentionné ou écrit dans leur livre, dans la Torah et dans l'Injil. Ils le trouvent mentionné par écrit dans la Torah et dans l'Injil. Donc, c'est la preuve qu'ils n'ont pas cru, même en ce qui a été révélé sur eux-mêmes, hein, dans leur propre livre. Parce que la vérité, c'est l'obligation pour eux, c'est qu'ils acceptent la vérité, peu importe d'où elle vient. Et le Coran vient confirmer les livres qu'ils ont avec eux. Hein? Donc si ça vient en confirmation avec ce qu'ils ont, alors comment peuvent-ils le renier? Comment peuvent-ils le démentir? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ » Et c'est la vérité qui confirme ce qu'ils ont avec eux. ثم إن الله سبحانه وتعالى فضحهم بقوله نؤمن بما أنزل علينا كيف يؤمنون بما أنزل علينا كيف يؤمنون بما أنزل عليهم وهم يقتلون أنبياءهم هل الذي يؤمن بالأنبياء يقتلهم فالله جل وعلا عيرهم بذلك فقال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فقد قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وأرادوا قتل عيسى فمنعه الله منهم وأرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم فهم يقتلون الأنبياء مع أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا فهم كاذبون في ذلك. Donc le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala les a complètement humiliés et démasqués lorsqu'il a mentionné en fait le fait qu'ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Comment peuvent-ils croire en ce qui a été révélé sur eux alors qu'ils tuent les prophètes? Et celui qui croit en les prophètes, est-ce qu'il les tue? Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés, il les a donc humiliés en mentionnant à leur sujet ce genre de choses, dans le verset 91 dans sourate Al-Baqara, dit, alors pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah auparavant? Donc pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah auparavant si vous êtes réellement croyants? Alors ils ont tué Yahya, le prophète Yahya, et ils ont tué Zakaria, et ils ont voulu tuer Isa, puis Allah subhanahu wa ta'ala les a empêchés de le faire, et ils ont voulu tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés d'eux. Et ils tuent les prophètes alors qu'ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Et donc ils sont menteurs en disant cela. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. هذه الآية في اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا قبل أن يبعث محمدا فإنهم كانوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون زمان بعثته ويعلمون صفته كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقد كان اليهود قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين من أهل المدينة ويهددونهم بأنه سيبعث نبي أضل زمانه فنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث وجاءهم ما عرفوا من صفاته كفروا به واستكبروا عن اتباعه. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah Ta'ala, lorsqu'il dit et auparavant ils cherchaient victoire contre ceux qui ont mécru, et lorsque leur est venu ce qu'ils ont connu, ils l'ont renié, ils ont refusé d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les kafirines, sur les mécréants. Donc ce verset, c'est au sujet des juifs qui étaient à Médine. Et lorsque, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, donc il connaissait l'époque où il allait venir et ses caractéristiques. Il connaissait ses caractéristiques comme ils connaissent leurs propres enfants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 146 dans sourate Al-Baqarah, Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Et une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Donc, les Juifs, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant la venue de ce messager avec ce livre, ils disaient aux mushrikines de Médine, à l'époque, Al-Aws wal-Khazraj, il disait qu'il allait avoir un prophète qui allait venir et qui allait, ils allaient les combattre avec ce prophète, et qu'ils allaient les écraser avec la venue de ce prophète. Et il leur faisait des menaces, en disant qu'on va avoir un prophète qui va venir, et que, il va être avec nous, puis il va vous combattre et on va gagner sur vous. Et donc ils prétendaient que ils allaient, quand il allait venir, ils allaient le suivre, puis qu'ils allaient combattre les mouchriquins et qu'ils allaient les exterminer de la même manière que Ad et Iram ont été détruits. Mais lorsque ce prophète leur est venu et qu'ils ont reconnu ses caractéristiques, ils ont renié et ils ont refusé d'y croire et se sont enflés d'orgueil et ils ont refusé de le suivre. Et le cheikh il dit وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ أي حَلَّتْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ وَالْغَضَبُ لِأَنَّهُمْ خَالَفُ الْحَقِّ عَنْ مَعْرِفَةٍ وَعِلْمٍ. Donc le cheikh il dit et Allah subhanahu wa ta'ala a dit après que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants, c'est-à-dire que la malédiction et la colère sont tombées sur eux parce qu'ils ont contredit la vérité avec connaissance et avec science. وحملهم على ذلك الكبر والحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. Et qu'est-ce qui les a amenés à contredire la vérité avec connaissance et science? C'est l'orgueil et la jalousie qu'ils avaient pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour sa umma, pour sa nation. وهذا يدل أن أهل الكتاب الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم قد كفروا عن علم فهم أشد كفرا من عبدة الأوثان. Donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve que les gens du livre qui ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont renié la foi avec science, et qu'ils sont plus mécréants, et que leur mécréance est plus sévère que celle des adorateurs d'idoles. فهم عصوا الله على بصيرة, parce qu'ils ont désobéi à Allah avec science. فاستحقوا الغضب واللعنة وفي هذا رد على الذين ينادون الآن بأن الأديان كلها صحيحة وأنه لا إنكار على اليهود ولا على النصارى في أديانهم. Donc il y a ici, donc à cause de ça, le cheikh dit, ils ont mérité la colère et la malédiction, et il y a dans ça une réfutation de ceux qui appellent aujourd'hui à dire que toutes les religions sont bonnes et qu'on ne doit pas condamner les juifs ou condamner les chrétiens par rapport à leur religion. وأنه يجب أن تجتمع الأديان الثلاثة, et qu'on doit réunir les trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Le cheikh il dit, فهم يريدون الجمع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وهذا لن يكون أبدا فإن دين محمد هو خاتم الأديان ولا دين بعده فمن أبدى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من الكافرين وهو من أهل النار خالدا فيها سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الأميين أو من العرب أو من العجم أو من أي جنس كان. Donc le cheikh il dit, donc ils veulent essayer de réunir entre la vérité et le faux, et entre la mécréance et la foi. Et ça ne sera jamais. Ça ne sera jamais. Parce que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celle qui est venue compléter toutes les religions. Il y en a scellé toutes les religions. Et il n'y a pas d'autre religion après la sienne. Alors celui qui refuse d'obéir à ce messager et de le suivre, alors il est du nombre des mécréants. Et il est parmi les gens de l'enfer, pour y demeurer éternellement, peu importe qu'il soit parmi les juifs, ou parmi les chrétiens, ou parmi les non-arabes, ou parmi les arabes, ou parmi les étrangers, les gens qui parlent d'une autre langue, peu importe de quelle origine ils sont. Et le cheikh il dit, وَمِنْ لَضَائِفِ حِكْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ مَنْ كَانَ يُهَدِّدُونَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هم الذين من الله عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم الأوس والخزرج رضي الله عنهم فلقد جاءوا مكة فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فاستجابوا له وعلموا أن هذا هو الرجل الذي كانت تهددهم به اليهود فآمنوا به وبايعوه وصاروا هم أتباعه على الحقيقة وقاتلوا اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة وأورث الله المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها من أرضهم. Donc le cheikh il dit, et yani parmi les sagesses d'Allah, parmi les sagesses d'Allah, on voit que ceux qu'il menaçait parmi les gens de Médine sont ceux qui ont, eux, suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Al-Aws ou Al-Khazraj. Yani ceux que les juifs menaçaient d'attaquer, ce sont eux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, les Al-Ansar, Al-Aws ou Al-Khazraj, et yani, que Allah soit satisfait d'eux. Lorsque ils sont venus à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a présenté sa da'wah et leur a yani parlé de l'islam, et ils ont accepté sa da'wah et ils ont répondu à son appel, car ils ont su que cet homme c'était celui par lequel les juifs les menaçaient, hein? Donc ils ont cru en lui, ils lui ont donné allégeance et ils sont devenus ses fidèles, hein, réellement. Et ils ont combattu les juifs avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les juifs ont brisé leur entente qu'ils avaient entre eux et le messager, jusqu'à ce qu'ils les expulsent, hein, jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les expulse de la ville de Médine, et il leur a donné leur terre, hein. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans leur terre et leur demeure et leur bien en héritage, et des terres qu'ils n'avaient pas encore habitées parmi leurs terres. Donc le cheikh il dit ensuite, wa hadha yubtala bihi kathirun min al-muntasibina ila ta'ifatin mu'ayyanatin fil 'ilmi aw ad-din min al-mutafaqqihati aw al-mutasawwifati aw ghayrihim. Donc ça, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit après ça que c'est par cela que certains d'entre ceux qui s'apparentent à un groupe particulier ou un groupe quelconque dans la science ou dans la religion, parmi ceux qui yani prétendent posséder la connaissance du fiqh ou se disent soufis ou d'autres également. Donc يعني الشيخ الفوزان يقول هذه الآيات ليست خاصة باليهود بل هي عامة لكل من اتصف بصفتهم وعمل مثل عملهم أو مثل عملهم من المتعصبة في هذه الأمة الذين يتعصبون لإمام من أئمتهم أو يتعصبون لرأي أو لمذهب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء فيهم شبه من اليهود فالواجب على المؤمن أن يتبع الحق وأن يترك الباطل وأن يدور مع الحق حيثما دار. Donc le cheikh il dit que ces versets ne sont pas seulement ou particulièrement uniquement pour les juifs. Il y a, hein, il dit qu'ils sont généraux, ces versets sont généraux, et qu'ils peuvent être appliqués à toute personne qui a les caractéristiques de qu'est-ce qui est mentionné dans ces versets-là, ou qui agit de la même manière que parmi les gens qui sont fanatiques, parmi cette umma, parmi les musulmans, et qui s'accrochent fanatiquement à leurs imams, à un imam parmi les imams de l'islam, ou qui s'accrochent fanatiquement à une opinion, ou à une méthodologie qui est en contradiction avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Donc ceux-là, ils ont une ressemblance avec les Juifs. Et donc, leur, l'obligation pour le croyant, c'est de suivre la vérité et d'abandonner le faux et de suivre hein, la vérité là où elle nous amène. Donc, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le cas des gens qui sont accrochés fanatiquement à suivre une école de fiqh, comme un madhab, hein, comme le madhab de l'imam Malik, ou le madhab de l'imam Shafi'i, ou le madhab de l'imam l'imam Abu Hanifa ou Ahmad ibn Hanbal, ils veulent le suivre de façon aveugle, même si tu leur ramènes un dalil du Coran ou de la sunna authentique, tu leur montres ces preuves, tu leur dis, regardez, hein, ça c'est la vérité, ça vient d'Allah, ça vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il faut suivre ça. Eux ils disent, non, nous on suit notre imam, nous on suit notre madhab, et ça c'est de l'égarement, c'est très dangereux. Hein. Ou bien ils suivent la parole d'un autre parmi les hommes, au lieu de suivre la preuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite, ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين لشخص من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, puis ceux-là, ils ne savent pas ce que leur groupe a rendu obligatoire. Ces gens-là ne savent pas ce que leur groupe a rendu obligatoire, alors que la religion de l'islam oblige de suivre la vérité de façon absolue, de façon générale, que ce soit dans les narrations qui sont rapportées ou dans la compréhension, sans désigner une personne en particulier qu'on doit suivre, ou un groupe particulier qu'on doit suivre autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit الَّذِينَ يَتَعَصَّبُونَ لِرَأْيٍ أَوْ مَذْهَبٍ لَا يَعْرِفُونَ مَا تَعَصَّبُوا لَهُ وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِّدِينَ تَقْلِيدًا أَعْمَى وَهَذَا خَطَأٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْظُرُوا فِي قَوْلِ إِمَامِهِمْ أَوْ عَالِمِهِمْ أَوْ طَائِفَتِهِمْ ويتفحصونه ويعرضونه على الكتاب والسنة فإن كان صوابا أخذوا به وإن كان خطأ تركوه. Donc le cheikh il dit, ceux qui s'accrochent fanatiquement à une opinion ou à une école de pensée ou à une école de fiqh et ils ne connaissent pas ce à quoi ils s'accrochent fanatiquement, et ça c'est l'attitude des gens qui suivent aveuglément une position ou une école ou quelque chose de ce genre. Et il dit, hein, ou bien ils suivent fanatiquement et aveuglément un cheikh ou quelque chose comme ça. Le cheikh il dit, ça c'est une erreur, car ce qui est obligatoire pour eux, c'est de regarder la position de leur imam, la position de leur savant, la position de leur groupe, et de l'analyser et de le mettre en face du Coran et de la Sunna. Si c'est en accord avec le Coran et la Sunna, ils le prennent, et si c'est une erreur, ils le délaissent. Hein? Il dit fal a'imma laysu ma'soumin wa laysa hunaka ahadun min an-nas yajib ittiba'uhu ghayra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que les imams de l'islam, les imams des madhahib, ils ne sont pas infaillibles. Hein? Ils peuvent se tromper, et il n'y a personne pour qui dans la Ummah que c'est obligatoire de le suivre autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu vas voir le cheikh il va mentionner ça justement. Le cheikh il dit ensuite wa amma ghayruhu fa innahu yuttaba' fi ma ata'a fihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa wafaqahu fihi wa amma ma khalafa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min aqwali ashab al-ara wal madhahib wal aqwal فيرفض لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Donc le cheikh il dit, donc personne parmi les hommes ne doit être suivi autre que, c'est-à-dire il y a personne d'entre les hommes que c'est obligatoire de le suivre autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne toute autre personne que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on doit uniquement le suivre dans quoi il a suivi, il a obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, si la personne qu'on suit nous ordonne de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, si c'est en accord, on le suit. Mais si c'est en contradiction avec ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce cas-là, on ne le suit pas. Hein, c'est l'obligation pour nous, c'est de le rejeter. Donc si parmi les paroles des imams, et parmi leurs opinions, et parmi leurs écoles de pensée, ou parmi leur position ou autre, il y a quelque chose qui contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses paroles, on doit rejeter ces paroles-là. Et il dit, la preuve c'est la parole d'Allah dans le verset 59 dans Sourate An-Nisa. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le ou ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc s'il y a une divergence quelconque entre les ulama ou entre les dirigeants, ou entre les écoles de pensée ou de fiqh, l'obligation c'est de ramener cette divergence au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour trancher. Si on est croyant en Allah et au jour dernier, on doit agir comme ça. Le cheikh il dit, « Hatta anna l'a'imma al-adillah, rahimahumullah, nahu anit taqlid wa ta'assub li ra'yihim. » Donc, même les imams des quatre madhahib, que Allah leur fasse miséricorde, ils ont eux-mêmes interdit de les suivre aveuglément et de s'attacher fanatiquement à leurs opinions. « Fal-imam Abu Hanifa, rahimahullah, yaqul, إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يعني بذلك لا نأخذ قولا غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى نعرضه على الدليل فلو كان من التابعين فإن كان صوابا موافقا للكتاب والسنة أخذ وإلا فإنه يرد. Donc le cheikh il dit que Abu Hanifa a dit, l'imam Abu Hanifa il dit, et lorsque vient le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors on l'accepte. L'expression qui est mentionnée, c'est « ala ra'si wa la'in ». « Ala ra'si wa la'in ». Ça veut dire, on ne discute pas, on le prend, on l'accepte. C'est une expression arabe. Et lorsque ça vient des sahaba, on l'accepte et on le prend. Mais si ça vient des tabi'un, c'est-à-dire des gens qui ont appris avec les sahaba, alors ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Dans le sens que l'imam Abu Hanifa, il est de cette génération-là. Alors, il regarde, il dit, c'est-à-dire, on ne prend pas la parole d'autre que celle du messager et de ses compagnons. Et on l'a. Il dit là, خذ قولا غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. Donc, on ne prend pas la parole d'autre que Allah, on ne prend pas la parole d'autre que celle du messager et de ses compagnons tant qu'on l'est mis en comparaison avec la preuve, même si ça vient des tabi'in. Et si c'est une parole qui est en accord avec le livre d'Allah et la sunna, on l'accepte. Et si c'est une parole qui est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna, alors on la rejette. نعم il dit, وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يخطئ وإن كان مجتهدا مأجورا على اجتهاده ولكنه لا يتابع على خطئه ولهذا قال الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. Donc le cheikh il dit, l'imam Malik rahimahullah il dit, nous sommes chacun d'entre nous peut yani, chacun d'entre nous peut être peut réfuter quelqu'un ou être réfuté. Chacun d'entre nous peut réfuter quelqu'un ou être réfuté lui-même, excepté celui qui est dans cette tombe. Il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est lui qui ne se trompe pas, c'est lui qui ne peut pas être réfuté. Hein. On doit accepter tout ce qu'il nous a enseigné. Il dit, donc celui qui fait une erreur, même s'il est un imam, mujtahid, et qu'il est récompensé pour son erreur et son ijtihad, mais on ne peut pas le suivre sur son erreur, même si c'est un imam. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas d'erreur. Hein? C'est lui seul qui est infaillible. Il dit, et c'est pour ça que l'imam Shafi'i a dit, si ma parole est en contradiction avec la parole du messager d'Allah, alors si ma parole est en contradiction avec la parole du messager d'Allah, alors prenez la parole du messager d'Allah et ma parole à moi, eh bien, jetez-la sur le mur. C'est-à-dire, allez, frappez-la sur le mur. Vous n'avez pas besoin, allez, de la suivre. Et il وَيَقُولُ أَيْضًا إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. Il dit, l'imam Shafi'i, si le hadith est authentique, alors c'est ça mon madhhab. C'est-à-dire, mon madhhab, c'est pas ce que j'ai écrit dans mon livre, hein, que les gens suivent en mon nom. Ce qui est mon madhhab, c'est qu'est-ce qui est rapporté comme hadith authentique. Si le hadith il est authentique, eh bien c'est ça ma position. C'est pas moi-même qu'est-ce que j'avais dit. Ma position, c'est qu'est-ce qui est dans le hadith. Hein? Donc, alhamdulillah. Et il dit, وَهَذَا إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ أحمد بن حنبل رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد عرفوا الإسلام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السياق يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أي زيغ في القلوب أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بما يحل بهم من النكبات والمصائب فالذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فالذي يخالف متعمدا ويتعصب لرأيه أو لرأي غيره فهذا يتوقع له إحدى عقوبتين الزيغ في قلبه أو عذاب في نفسه وماله ولهذا قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه زيغ فيهلك. Donc le cheikh il dit que l'imam de Ahlus Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, a dit, je m'étonne des gens qui ont connu l'isnad du hadith et son authenticité et qui vont vers l'opinion de Soufiane. Hein? Soufiane al-Thawri. Alors, il dit, par Allah, je jure. Je m'étonne des gens qui ont connu l'authenticité de l'isnad et qui connaissent l'isnad et qui connaissent son authenticité et qui vont vers l'opinion de Soufiane al-Thawri. Hein? Il dit, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui opposent son commandement prennent garde qu'ils ne soient frappés par une épreuve ou qu'ils ne soient frappés par un dur châtiment. Et donc le cheikh explique, il dit, ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car le contexte ici parle du messager sallallahu alayhi wa sallam. أن تصيبهم فتنة c'est-à-dire qu'ils soient frappés par une épreuve par une fitna c'est-à-dire une déviation dans leur cœur, ou qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux, c'est-à-dire un châtiment dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur eux des malheurs et des problèmes. Donc celui qui contredit la parole du messager intentionnellement, sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'accroche fanatiquement à une opinion, ou à l'opinion de Soufiane, ou l'opinion de quelqu'un d'autre, eh bien, on a peur pour lui qu'il soit frappé par un des deux châtiments suivants, soit une déviation dans son cœur, ou soit un châtiment dans sa personne ou dans ses biens. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad a dit, sais-tu qu'est-ce que c'est la fitna? La fitna, c'est le shirk. C'est l'association avec Allah. Puisque lorsque tu rejettes une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est possible que tu sois frappé dans ton cœur par une déviation et que tu périsses à cause de ça. وهذه أقوال الأئمة يحذرون من اتباعهم يحذرون من اتباعهم من غير معرفة أقوالهم ومواقفهم للدليل وأنهم إذا كانت مخالفة للدليل فإنها ترد لأنهم غير معصومين يجوز عليهم الخطأ والحكم في هذا هو الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالمؤمن يدور مع الحق. Donc le cheikh il dit, et parmi ces paroles, parmi les paroles des imams, donc on a vu maintenant que c'est ça leur position et leurs paroles, qu'ils mettaient en garde leurs fidèles, hein, de suivre une parole d'un imam sans connaître sa preuve et sans être en accord avec sa preuve. Et que si leur parole était en contradiction avec la preuve, eh bien que leur parole devait être rejetée, hein? Parce qu'ils n'étaient pas fanatiques, ils n'étaient pas des gens qui enseignaient de s'accrocher fanatiquement à leur position. Ils savent qu'ils ne sont pas infaillibles et qu'ils peuvent faire des erreurs, hein? Et que le jugement revient au livre d'Allah et à la sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans Sourate An-Nisa, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Donc le croyant, il suit la vérité là où elle l'amène. Et il dit, wa shaykhuna shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qad kana min a'immat al-da'wa, la yata'asabu li madhhab al-hanabila, مع أنه مذهبه ولكن إذا كان في المسألة دليل عند غيره فإنه يأخذ بما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الآخرين من أقوال الأئمة الآخرين ويترك الخطأ لأنه لا يتعصب لمذهب الإمام أحمد وإنما يريد الحق مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة وقد سار على طريقته هذه ذريته وأتباعه وتلاميذه رحمهم الله جميعا في هذه البلاد. Donc le cheikh il dit, de même que notre cheikh, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il était parmi les imams de la da'wah et il ne s'accrochait pas fanatiquement au madhhab Hanbali alors que c'était son madhhab, mais plutôt lorsqu'il y avait une question et qu'il y avait une preuve, hein, que la preuve était chez quelqu'un d'autre que l'imam Ahmad, alors dans ce cas-là, il prenait la preuve d'où est-ce qu'elle venait, que ça vienne, même si ça vient des imams des autres madhahib. Il abandonnait l'erreur parce qu'il n'était pas fanatiquement attaché à son madhhab ou au madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, mais il voulait uniquement la vérité, que cette vérité-là soit avec l'imam Ahmad ou avec autre que cet imam, parmi les imams. Et ça, c'était sa voie qu'il a suivie, et c'est également la voie qu'a suivi ses enfants et ses fidèles et ses élèves après lui. que Allah lui fasse miséricorde, hein, que Allah leur fasse à tous miséricorde dans ce pays. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera à au prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.